caramel. Était organisé à l'appel de plusieurs syndicats, CGT Santé, Sud Santé et associations ACT UP, Comité de défense de l'hôpital Lagrave, Comité de quartier Saint-Cyprien, un rassemblement devant les locaux de l'Agence régionale de santé afin d'interpeller cette administration régionale suite à l'annonce par communiqué de presse de la fermeture fin mai de la maison médicale de garde de l'hôpital Lagrave. À la suite d'une réorganisation à l'échelle départementale, l'ARS Occitanie et le Conseil de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne décide donc de fermer cette garde médicale de Lagrave au profit d'une nouvelle installée à Purpan, doublée par la consultation fixe de SOS Médecins et puis également des urgences de Joseph Ducoing. Quand l'on sait que ces deux dernières structures sont régulièrement saturées et que Purpan n'offre pas l'accessibilité aux habitants du centre-ville comme peut le faire la maison médicale de garde de l'hôpital Lagrave, on peut se demander ce qui a piqué l'ARS pour décider de cette fermeture. Pour Guy Molinier, joint tout à l'heure au téléphone, Guy Molinier de ACT UP, cette décision est complètement incompréhensible. Cette redéfinition de l'offre de soins sur Toulouse a été décidée sans que les parties prenantes de cette offre ne soient consultées. De plus, poursuit Guy Molinier, elle se fait au nom d'un nouveau cahier des charges dont nous n'avons toujours pas vu l'accès. Nous ne nous l'avons toujours pas vu, déclare-t-il tout à l'heure au téléphone. À l'heure où l'on se plaint d'avoir pas mal de difficultés à trouver un médecin, on peut se poser la question de pourquoi supprimer une telle offre de soins. Rappelons que la maison médicale de garde de l'hôpital Lagrave, créée en 2003 par le CHU de Toulouse, des médecins volontaires libéraux, l'ARS et la mairie de Toulouse, que plus de 10 000 consultations y ont été réalisées en 2022, dont un tiers de patients de moins de 6 ans. Consultations réalisées à 60% en soins directs sans passer par la plateforme de régulation, ouverte tous les soirs de la semaine, week-end et jours fériés. Cette structure est utilisée en priorité par les habitants de Saint-Cyprien, du centre-ville, et par la population de précaires de la ville de Toulouse, aux heures où les cabinets de médecine générale sont fermés d'ordinaire. Une trentaine de médecins s'y relaient. Un nouveau rassemblement est prévu mercredi 31 mai, jour annoncé de la fermeture de cette maison de garde devant les locaux de la maison de garde médicale de Lagrave à midi. Joint tout à l'heure par téléphone, l'ARS, pour toute réponse, m'a renvoyé à un communiqué de presse qu'elle allait bientôt publier, sans doute après la fermeture. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouveau numéro de Caramel Mou, 34e saison et dernière saison, réalisée ce soir encore par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle de la scène musicale toulousaine. On en parle avec des musiciens et un patron de salle. Le patron de salle, c'est Pascal Chauvet, qui est avec sa compagne Emma, le taulier du bijou, le Cafcons de l'avenue de Muret. Quant aux musiciens, ils sont trois. Romuald Leroy, saxophoniste, que l'on peut actuellement écouter au sein de Blanc Lapin, trio de jazz atmosphérique, Eric Paulet, tromboniste et leader du groupe de jazz prog Martine, et puis également Tristan, il va m'excuser tout de suite d'écorcher son nom, Tristan Lujambul, c'est comme ça qu'on dit ? Pas mal, c'est Lujambul. Lujambul, Tristan Lujambul, le guitariste du Baron de Vincennes, le groupe de Matrock, auteur d'un dernier album, Les Fleurs du Gros Son, construit autour de la poésie de Charles Baudelaire. Et puis notre bon professeur Thibault ne sera pas là ce soir. Il a un tout petit pépin de santé. Qu'à cela ne tienne, on le retrouvera la semaine prochaine. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. À l'origine, un duo de blues acoustique formé en Franche-Comté, Damantra, une fois expatrié à Toulouse, y trouve un batteur et un bassiste et évolue vers un rock metal très 70s qui, si les influences bluesy sont encore très pesantes, évolue petit à petit vers un rock plutôt brutal. Nouvel exemple avec ce nouveau EP, 5 titres, Comet, sorti la semaine dernière. Explosive, leur musique lorgne autant sur Led Zepp que sur Rival Song, Blue Spill ou Greta Van Fleet, dans une approche plus radicale que leurs premiers enregistrements. À vérifier la semaine prochaine aux Connexions Live lors du concert que Damantra y donnera pour fêter, comme il se doit, cette sortie de EP. Ça se passera jeudi prochain, 1er juin. Damantra, Keep On, extrait de Comet, leur nouvel EP. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Bonsoir Pascal Chauvet. Bonsoir, Joe Kangourou. Vous êtes, je le disais en introduction, un des deux tauliers du bijou, même si le bijou, pour sa programmation, a une forme aussi associative. Mais c'est vous quand même qui êtes les patrons de cet endroit qui fait autant de la musique que de la restauration que du bar. Pour la petite anecdote, c'est un endroit qui a été pendant un petit moment un ciné, un bar ciné. Il y avait un petit ciné de quartier. Ça a été aussi un dancing. Et il me semble que pendant la guerre, c'était aussi un lieu de rassemblement de la résistance. Vous me parlez d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Oui, hein, mais que j'ai connu en partie. Pas pour la partie résistance, rassurez-vous. Comme quoi, c'était un lieu qui est chargé d'histoire et c'est vrai que c'est un lieu qui, depuis une grosse trentaine d'années, est devenu petit à petit notre petite Olympia. Il y a encore des gens qui viennent au bijou et qui le disent. Entre eux, ils disent « Ah, oh, le bijou, c'est quand même notre petite Olympia. » Alors, j'espère qu'ils disent ça au moins pour la qualité de la programmation, plus que pour les lettres qui sont affichées en façade. Je me demande si c'est pas simplement le lettrage en façade qui fait ressembler à l'Olympia. C'est pas la taille de la salle, en tout cas. Donc, on vous a demandé de venir ce soir pour parler un peu de cette saison 2022-2023 qui s'achève, et puis de commencer à prendre des repères pour l'année prochaine. Une saison à Toulouse qui, au niveau des salles de spectacle, a été plutôt mitigée. Pleine de concerts, avec des salles qui ont été rarement pleines. C'est un peu ça. Beaucoup de contrastes, en fait. Mmh. Beaucoup de toutes petites jauges et d'autre part des salles qui se remplissent pour les gens qui ont déjà un peu une reconnaissance publique. Par contre, tous les artistes vraiment intermédiaires ou très émergents ont beaucoup plus de mal à venir, comme si le Toulousain n'avait pas envie, entre guillemets, de prendre de risques dans sa soirée. Le risque de voir un artiste qu'il ne connaît pas, le risque de pas aimer, enfin... C'est un risque que j'ai du mal à comprendre parce que justement moi j'aime être surpris et j'essaie d'inciter tout le public à se laisser surprendre régulièrement. Mais oui, il y a un petit peu de ça. Contrasté, une saison contrastée. Pour en avoir parlé aussi avec des gens qui sont plutôt sur le versant cinéma, ils mettent aussi cette fréquentation un peu en berne cette année sur le fait que le Covid n'est pas complètement fini dans la tête des gens. Ça reste une histoire très récente, même si on a parfois l'impression que ça n'a pas existé, que c'était un mauvais rêve, et qu'enfin on est réveillé. Mais il y a toujours ça très présent chez un certain nombre de publics qu'on ne retrouve pas, qui restent chez eux, qui ont peur de se mêler à de la foule, à des gens qu'ils ne connaissent pas, qui choisissent leur sortie, qui n'ont pas repris leurs habitudes et qui essaient d'amortir au maximum leur abonnement de Netflix ou Canal+, qu'ils ont pris pendant le Covid. Rassurez-vous, Netflix, avec le coup qu'ils viennent de faire dans la semaine, il devrait y avoir pas mal de désabonnements. Le fait d'arrêter, de permettre aux gens de partager le site à plusieurs, je pense que ça va régler un petit peu le problème du côté de Netflix. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le partage, c'est étonnant. Hein, et quand on pense que Netflix a fait toute sa publicité en 2017-2018 sur le slogan « Partager, c'est aimer ». Bon, ils sont passés à autre chose. Mais revenons aux bijoux. Une saison qui, une fois de plus, a joué les équilibristes entre la programmation de gens assez connus, de gens très connus et de quasi inconnus. C'est toujours la marque de fabrique du bijou. C'est toujours un peu ça. Alors les gens très connus, ils viennent pas tout le temps. Surtout que quand ils sont tous en tournée en même temps, souvent les gens très connus. Alors moi je les connais beaucoup, mais il y a plein de gens qui les connaissent pas. Donc, mais quand on reçoit un Alexis HK ou un Yves Jamais, effectivement, on arrive à le faire hors tournée quand ils ont envie de casser des chansons ou des choses comme ça. Par exemple, en ce moment, ils tournent tous les deux dans leur formule complète. Ce sera peut-être pas pour l'année prochaine, mais peut-être pour la suivante. Mais oui, c'est un équilibre, effectivement, de réussir à pouvoir dire, dans cette salle, l'artiste émergent, celui qui monte sur scène pour la deuxième ou la troisième fois, il joue au même endroit et dans la même condition que Yves Jamais ou Alexis HK. Pour nous, c'est un point d'honneur que de pouvoir faire ça, on s'y attache et tout le monde vient jouer dans les mêmes conditions, il n'y a pas de star en fait, tout le monde vient de la même façon. Avec une formule qui est là aussi votre marque de fabrique, qui était déjà celle de la précédente équipe, celle de Philippe Pagès, c'est les rencontres Ozon qui permettent de voir un peu les artistes émergents versant une chanson à Toulouse sur des formules de 7, de 20 minutes. minutes, il y a 3-4 artistes qui se succèdent et sur une formule gratuite où les gens viennent écouter gratuitement des artistes qui leur viendront sans doute un an ou deux ans plus tard, voire payant au bijou. Exactement. C'est un concept hérité, je crois que ça s'appelait les joueurs de voix à l'époque, voilà. il y a une paire de décennies. À une époque où c'était animé par quelqu'un qui s'appelait Marcane, oui. et par Bacchus. Exactement. Et François Dorembus. Quelle équipe ? Et des gens ont émergé. Alima s'est fait connaître. Elle est sortie de là. Wab est sorti de là. Mais Chouf, Manu Gallure, voilà. Tous ces gens-là sont sortis des Ozons. Et des joueurs de voix. Et des joueurs de voix, effectivement. Donc c'est effectivement un concept qu'on a voulu garder parce que ça permet à des artistes absolument pas repérés, ni par le public, ni par les professionnels, de venir déjà montrer sur scène ce qu'ils sont capables de faire. Alors le principe, c'était d'accueillir ces artistes sans aucune sélection, en les prenant en ordre d'arrivée. Force est de constater que ces dernières années, avec l'enfermement temporaire que nous avons tous subi et la généralisation de la musique assistée par ordinateur, il y a plein de projets. Il y a beaucoup de gens qui osaient, mais ils osaient beaucoup trop tôt. Donc en fait, cette année, on a mis une petite sélection. Donc on écoute les gens avant de les proposer sur scène. Et en contrepartie, on a transformé ce Ozon en tremplin. Donc là, fin juin, il y aura un Laura du tremplin qu'on accompagnera pendant 12 mois. On y offrira un accompagnement professionnel avec des premières parties, avec de la résidence, avec de la présentation à tout le réseau. Enfin, on essaiera de l'aider à progresser un petit peu dans sa carrière artistique. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez essayé de développer depuis que vous êtes arrivé à la tête du bijou aux alentours de 2012-2013. C'est l'accompagnement d'artistes. Strange Enquête a été un des premiers que vous avez commencé à suivre. Jérôme Pinel en est un autre. Et c'est vrai que petit à petit, il y a un certain nombre d'artistes que vous commencez à suivre. Bah, en fait, c'est un petit peu notre ADN. C'est vrai qu'on vient de là, on vient de la production avec Emma, avec ma compagne. Donc quand on est arrivé au bijou, on était très contents et c'est génial de pouvoir accueillir les artistes, mais il y avait un côté frustration de dire, une fois que les artistes sont partis, quelque part on peut plus rien pour eux sauf les reprogrammer dans un an ou dans deux ans, et c'est vite devenu une évidence, et notamment quand on a vu Strange Enquête sur scène, de dire ces gens-là, ces artistes-là, on a envie de les accompagner, de faire un bout de chemin avec eux, et puis ça dure et on est content quand après une boîte de prod ou quelqu'un d'autre vient dire cet artiste-là on a envie de travailler avec, donc on te le débauche, mais on attend que ça en fait. Nous, prenez les artistes, faites les tournées, emmenez-les plus loin que ce qu'on pourra faire parce que nos moyens sont limités, mais oui, on est là. Et on se plaît à faire un bout de chemin avec les artistes dans un schéma, je tiens à le préciser, 100% désintéressé. Un des derniers, c'est Il. Oui, c'est le petit filleul d'Emma. Voilà, c'est le rappeur Il qui a sorti son premier album il y a deux mois, je pense. Deux, trois mots sur cet artiste que vous allez refaire passer, je suppose, assez rapidement au bijou. Mais ne chercheriez-vous pas à avoir des informations sur ce qui se passe la semaine prochaine ? Peut-être. On va sans doute y revenir, même dans deux minutes. Nous y reviendrons, mais Il, en fait, on l'a rencontré à l'occasion des auditions du prix d'écriture Claude Nougaro, enfin du prix Nougaro, on dit. Oui, oui. On a raccourci le truc. Qu'il a gagné d'ailleurs. Qu'il a gagné, mais à la base, sur les 10 artistes qui avaient été vus en audition, il n'était pas dans les 3 lauréats. Parce que le côté un petit peu rap, son phrasé, sa manière de chanter ou de parler un petit peu du nez, ça n'avait pas touché tout le jury. Et puis on a insisté un petit peu. Et c'est lui qui a gagné. Et il a fait un peu de chemin, il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il a écouté tous les conseils qui ont pu lui être donnés. Il a été embauché, mais il est aujourd'hui en production dans une boîte qui s'appelle 22h04 et qui fait un super travail autour de lui, qui lui fait du conseil artistique, qui fait de la tournée, qui fait de la production. Qui réalise les clips. Et voilà, et ce qu'il était, ce qu'il est devenu, le chemin qu'il a parcouru, c'est magique, et aujourd'hui, pour répondre à un tout petit bout de la question que vous avez posée, il est devenu presque trop gros pour venir jouer au bijou, parce que c'est un truc, ça se danse, ça se bouge. Donc non, il ne sera pas au bijou la saison prochaine. Bon, mais tant pis. Avant de parler de la saison prochaine du bijou, on va écouter quelqu'un qui sera au bijou la semaine prochaine. Mardi, c'est les soirées Ozon. On sera le 30 mai. C'est sans doute même la dernière Ozon de la saison, non ? Alors c'est la dernière soirée de sélection. Après, on fait une demi-finale le la semaine d'après, le 6 juin, et la finale du tremplin le 20 juin. D'accord, alors, donc le 30, c'est Ozon, dont je le rappelle, 3-4 artistes sur scène pour des sets de 20 minutes, des artistes émergents, comme on dit dans ces cas-là, concert gratuit, allez découvrir ça. Et puis, le 31 et le 1er avril, c'est-à-dire mercredi et jeudi prochain, on pourra écouter Lise Martin, qui fait son petit retour à Toulouse. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas entendu. On va écouter un morceau à zéro. On en reparle juste après. Simplement vous rappeler qu'elle sera donc au Bijou le 31 mai et le 1er juin. Repartir à zéro, se délester du trop, balayer les décombres, laver les zones d'ombre, jeter ce qui encombre pour trouver du nouveau, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours, trier les restes inutiles, les petites choses futiles, sans risque ni péril. Oser dénouer les vieux fils, remodeler l'argile, jouer les indociles, se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours. Recommencer encore, démonter le décor, jouer un nouveau rôle, ouvrir la camisole, faire tomber les idoles et réveiller. Se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours. Se défaire de ce qui pèse trop lourd, fait faire des détours et fige les contours. Délester du trop, balayer les décombres, laver les zones d'ombre, jeter ce qui encombre pour trouver du nouveau, se défaire de ce qui pèse trop lourd. Lise Martin à zéro, Lise Martin qui sera donc le 31 mai et le 1er juin prochain au Bijou, et avec moi Pascal Chauvet du Bijou qui va nous dire deux, trois mots sur la programmation à venir, puisqu'on en est quand même maintenant à se projeter sur la saison 2023-2024. Que le temps passe vite. Oui, avec quand même peut-être une difficulté pour le Bijou, parce que elle porte depuis toujours la scène chanson, le vieillissement du public de cette scène. C'est vrai que plus ça va, plus je trouve plein de gens qui ont autant les cheveux blancs que moi. Oui, c'est certes. En même temps, on réussit à avoir une part de la programmation qui va s'adresser à un public un petit peu plus jeune. Donc, plus le cheveu gris que blanc, on va dire. Ouais. Faut vous dire qu'il va falloir que je me fasse faire une teinture pour pouvoir continuer à venir au Bijou. Non, c'est effectivement, enfin, c'est un problème, mais pour dans tous les secteurs, que ce soit en chanson, que ce soit dans le jazz, que ce soit dans le théâtre, que ce soit au cinéma même, hormis sur les blockbusters, le public a tendance à vieillir, et se pose la question du renouvellement. On y travaille, on essaie de faire des choses qui iraient en direction des plus jeunes, des étudiants, mais force est de constater que c'est pas toujours une réussite. Alors, on entretient notre public, on le soigne, on me fait quelques écarts de propositions, on va chercher un petit peu dans le théâtre, on va chercher un petit peu dans le jazz, dans les musiques du monde, pour essayer de faire découvrir le lieu à d'autres types de publics. Et on ne fait pas de statistiques, on ne fait pas d'études des publics particulièrement, mais j'ai l'impression que le public est un petit peu rajeuni par rapport à il y a une dizaine d'années. Mais malgré tout, il continue à vieillir chaque année. Ce qui a été étonnant cette année à Toulouse, et après on va passer à la programmation du bijou de l'année prochaine, c'est ce qui s'est passé au niveau de ce qu'on appelle la scène jazz. Eux, pour le coup, ont trouvé la solution, on en parlera avec les trois musiciens qui sont autour de cette table tout à l'heure, pour rajeunir vachement les concerts de cette musique-là, mais peut-être en allant fouiller vers d'autres styles de musique qu'ils intègrent à une musique qui avait peut-être un sous-bassement jazz, mais qui à l'écoute de, je sais pas moi, des Bols ou des Martines ou des UHO ou de groupes comme ça, va chercher nettement plus loin que le jazz qu'on pouvait écouter il y a encore 20 ans ou 30 ans au Mandala. Oui, nous on a une tendance à explorer un petit peu ce qui se fait sur des formats un petit peu plus pop électro. En fait, c'est vrai que l'air du chanteur avec sa guitare et le pied posé sur le tabouret avec une moustache et une pipe, je ne sais personne. Elle est pas révolue, mais effectivement, elle touche un public plus âgé. Donc, on travaille autour de nouveaux formats, de nouveaux formats, de nouvelles propositions pour commencer à travailler effectivement des publics qui vont venir plus jeunes, même si par contre, on ne peut pas changer la configuration de la salle qui est à 90 places assises. Et c'est vrai que ça incite assez peu à la fête. Hein. On écoute quoi. Pour écouter du rock ou même danser le rock comme on l'a fait chez vous dans les années 90, c'est un peu raté. Qu'est-ce qui se passe alors l'année prochaine au bijou? J'ai entendu dire par exemple que le début de saison allait être placé sans doute sous la figure tutélaire de Simon Schouf. Tout à fait. Alors même Simon Schouf, on va le voir plusieurs fois dans la saison, puisqu'il va être notre fil rouge de la saison 23-24. Il sera là à la fin du mois d'août pour finaliser la création de son nouveau spectacle à l'attaque. Et il viendra jouer ce spectacle au mois de septembre. Je prends mon papier parce que je n'ai aucune mémoire. Les 21 et 22 septembre, jeudi et vendredi, il viendra présenter le fruit de son travail, qui n'est pas juste le travail de la dernière semaine du mois d'août, mais quelque chose qu'il prépare depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs années, ça fait un petit moment qu'il... La première phase du Covid lui a aussi servi à ça, à attaquer le chantier. Pas que le chantier de sa maison, le chantier de la création également. Et on a déjà écouté quelques jolies petites choses, ça donne très envie. Et en vrai, ça fait longtemps qu'on attend des nouvelles chansons et des nouvelles choses de la part de Simon Schouf. Et moi, je languis vraiment ce mois de septembre pour redécouvrir ça. Ouais. Volantis, son dernier album en date déjà d'il y a 5 ans. C'était presque hier ou avant-hier. Quoi d'autre sur les choses qui... On parlait de figure tutélaire, on peut parler d'Éric Larenne qui sera là pour proposer son projet September Cohen. Vous pourriez en parler, vous l'avez vu, moi non. Mais, oui, puisqu'il passait il y a un mois à la CAF Poésie. Effectivement, c'était les tours d'essai, ils venaient de terminer la création. Ils vont finir les peintures, là, faire les petits raccords pendant l'été, et puis au mois de septembre, je crois que c'est au mois de septembre encore. C'est en octobre-novembre. C'est plus tard que ça. Ah ouais, il me semble que c'est en novembre. Septembre, octobre-novembre, Contrebrassens, Wally, Garance. Ah oui, 21 et 22 novembre, c'est ça. Du coup, j'ai cité plein de gens qui allaient venir. Oui, 21 et 22 novembre, ils viendront avec Nicolas Jules et Pascal Maupeu. Et Pascal Maupeu, faire leur joli Cohen. C'est quand même ça, l'intérêt aussi de ce spectacle, c'est que Éric Larenne s'y retrouve comme un poisson dans l'eau. Le répertoire de Cohen lui va comme un gang. En plus, il en a la voix. Enfin, c'est assez formidable. Et puis, il y a Nicolas Jules qui est là également. On le découvre chanteur, mais ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, avec Pascal Maupeu, on le découvre un guitariste formidable. Et puis, Maupeu est restant ce que Maupeu est, c'est-à-dire un guitariste incontestable et étincelant. Ouais. C'est vrai que Nicolas Jules a souvent l'habitude de le voir comme une sorte d'extraterrestre, d'oiseaux tombés du nid ou je ne sais quoi, mais en fait techniquement, que ce soit à la guitare ou à la voix, il a le rock en lui, et de le retrouver sur du Leonard Cohen entouré quand même de deux monstres, que sont Éric Larenne pour ce qui est interprétation et Pascal Maupeu qui est un monstre de guitare, il est complètement à sa place, il n'y a pas de doute. C'est, pour l'avoir vu, ce spectacle, il y a un mois, c'est assez exceptionnel. Et puis la reine reste la reine. Dès qu'il arrive sur scène, waouh, il a une présence énorme. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui naturellement attrapent la lumière et d'autres non. Et Éric Larenne fait clairement partie de la première catégorie. Mais en plus, comme il est doué d'un talent fou, qu'il est sympa et qu'en plus il bosse, ça fait un truc exceptionnel. Voilà, donc ça sera en novembre. J'ai cru comprendre que Wally venait, dans ce que vous avez dit. Wally avec son spectacle théâtral. Oui, avec son récit quasi autobiographique qui s'appelle Ma Distinction, où il vient raconter un petit peu sa jeunesse dans les cités minières du côté de Decazeville. Du côté de Decazeville, et où il parle de sa condition de fils d'ouvrier et de ce qu'il est devenu et de ce qu'il aurait pu ne pas devenir. Enfin, c'est d'abord, l'écriture est superbe. Ça raconte un petit peu aussi l'histoire de toute notre petite ville dépeuplée à l'heure actuelle. Ça raconte la prédestination sociale. Donc c'est un spectacle qui est touchant, qui est drôle parfois parce que ça reste Wally, qui est super, enfin voilà, qui est extrêmement qui est intéressant, qui est tendre, qui est et où on n'entend jamais Wally à la guitare et on ne l'entend jamais chanter. C'est vraiment un récit. Un seul en scène et il ne fait que raconter son histoire. Quoi d'autre sur les premiers mois du bijou? Qu'est-ce à que la rentrée. Je pourrais dire à la rentrée? Alors, on va démarrer avec un jeune homme, une sorte de valeur sûre qu'on reçoit régulièrement, qui s'appelle Jules Nectar, qui pareil, qui fait sa nouvelle création, nouvel album, nouveau titre, et qui va venir pendant deux jours pour les présenter. C'est lui qui ouvrira la saison les 15 et 16 septembre, les 14 et 15 septembre. Et mois de septembre, on démarre avec un petit jeune. Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Odieux. Qui s'appelle Didier Super. Ah oui. Odieux, c'est le bon mot ou c'est, C'est carrément odieux. Et celui-là, c'est à mettre dans la catégorie des très connus. C'est dans la catégorie des très connus, effectivement. Il nous fait l'honneur de revenir régulièrement, et pas juste pour faire des tests, vraiment, il aime venir au bijou, parce qu'il est très proche du public. Non, au bijou, forcément, c'est pas très grand. Et il adore faire peur au public. mais pas que ça. Enfin, voilà, il y a une histoire entre Didier Super, le bijou et nous. Et donc, ça fait toujours plaisir de l'avoir là. Donc, il viendra 26, 27 et 28 septembre. Allez, et un dernier pour octobre. Et n'allez pas sur Internet, c'est pas encore en vente. Ça ne sera que le 15 juin. Sur octobre, qui je peux dire sur octobre? C'est où? J'ai fait du recto verso pour économiser, mais du coup, c'est pas pratique. Qu'est-ce que je pourrais dire? La transition écologique est vraiment difficile. C'est ça. Fin octobre, nous recevrons une jeune femme qui s'appelle Mimi Chell. Oui. Donc, qui était notre fil rouge de cette année. Parce que le principe du fil rouge, c'est pendant un an, on accompagne l'artiste. Donc, Mimi Chell, elle va revenir. Elle sera donc, j'ai des pompes, 25, 26 et 27 octobre au Bijou pour un concert. Où elle ne jouera pas seule, elle jouera avec des musiciennes. Et à cette occasion-là, on enregistrera un album live. Donc, elles vont passer 2-3 jours en résidence la semaine d'avant, 3 jours en début de semaine de fin novembre et 3 jours de concert pour faire un album aux petits oignons. En fait, Mylène nous disait « J'ai envie de faire un album, mais franchement, le studio, je m'emmerde, quoi. » Donc on dit « Viens faire un album live et invite du monde et on va faire un truc. » Donc il y aura du piano, il y aura de la guitare, il y aura de la contrebasse ou du violoncelle. Enfin, on est en train de monter ça et ça va être très joli. Et on va spoiler un peu l'affiche de ce concert. La pianiste ne sera autre que Aïda Sanchez, déjà entendue d'Orlando. J'étais pas au courant. Il faudra rajouter un zéro sur le chèque parce que je suppose qu'Aïda Sanchez se fait payer cher, qui avait décidé de ne plus jouer de la musique et puis elle a entendu justement Mimi Chell dans un ozon ou dans une présentation de saison du bijou. C'est suite à ça, on a provoqué la rencontre et la rencontre a été belle. Et voilà. Et Aïda se remettra derrière le piano. Et la semaine dernière, elles étaient ici, Aïda derrière ce piano et Mimi Chell devant le micro pour nous faire un concert à la radio qui est passé la semaine dernière, mais que vous pouvez réécouter sur le site de l'émission. Absolument fantastique. Donc plein de nouvelles idées et de choses plutôt sympathiques pour la rentrée, pour le coup. Moi, je trouve. Après, je suis pas complètement objectif, mais effectivement, oui, il y a des belles choses avec toujours toujours l'idée de recevoir les artistes plusieurs jours d'affilée, parce que ça permet aussi de travailler un petit peu plus vite d'un jour à l'autre. C'est extrêmement confortable pour les artistes de rester sur place. Et puis le bouche à oreille, quelquefois ça marche. Et des fois ça marche, et même souvent ça marche. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de saison, Pascal Chauvet. Vous allez vous réinstaller en dehors de Toulouse pour l'été ou pas? Comme vous avez pu le faire de temps en temps à Saint-Gouanné? Alors nous n'allons plus à Saint-Gouanné. En fait, pendant 20 ans, le Bijou a accompagné l'association pour l'action culturelle de Saint-Gouanné pour faire des concerts là-bas. En fait, il arrivait un moment où ça tombait... Enfin, il savait le faire aussi. Il voit des concerts comme nous. Donc, il y a une programmation qui continue à Saint-Gouanné chaque été. Mais c'est plus le bijou qu'il gère. Mais j'incite vraiment tous les Toulousains à aller faire un tour à Saint-Gouanné. D'abord, ça fait un petit coup de fraîcheur au mois de juillet. Et ça fait pas mal. Et puis, il y a toujours des jolis concerts dans la cour de l'ancien presbytère. Il y a toujours des bonnes pizzas, il y a de la bonne musique et l'ambiance est super. Très bien. Donc, on vous souhaite un bel été. Là aussi, je suppose que Avignon va être un passage obligé pour vous. On a un gros passage à Avignon, effectivement, puisqu'on gère là-bas maintenant la programmation chanson du Théâtre de l'Arrache-Cœur. Donc, c'est 25... projet chanson par jour pendant un mois. Eh ben, très bien. Donc, bon Avignon, bonne fin de saison et on se retrouvera en septembre 2023 pour le début de la nouvelle. Eh ben, avec un grand plaisir. Merci Pascal. Romuald Leroy, bonsoir. Eh oui, il faut s'approcher du micro. Oui, puisque je le rappelle, pour le néophyte que vous êtes, au moins pour cette émission, une émission de radio, c'est un micro, une table un technicien, quelquefois l'apéritif. Un tabouret à roulettes. Et un tabouret à roulettes. Et avec ça, normalement, on arrive à parler dans le poste. Romuald Leroy, bonsoir. C'est vous que l'on vient d'écouter là, au saxophone, avec un nouveau groupe toulousain, Brian Lapin. Il va falloir que vous fassiez d'ailleurs quelque chose pour votre référencement sur Google. Brian Lapin, ça marche pas. C'est Lapin Brian qu'on nous donne directement quand on a tapé Brian Lapin. Je sais bien que pour le moment, vous n'avez pas fait grand chose, mais faites quelque chose. Quoi. Moi, je m'attendais plutôt à voir Alice au pied des merveilles. Oui. Non, j'ai eu Lapin Brian. Ah bon, mais alors là, je... franchement... Faut appeler Google, faut faire quelque chose. Ouais, je le mets sur l'agenda de demain, là, du rétro-planning. Donc, Brian Lapin, nouveau trio de jazz, je le disais en début d'émission, jazz à tendance atmosphérique. Avant de parler avec vos deux compères qui sont avec vous autour de cette table, racontez-nous un peu d'où vient ce groupe, vous qu'on a surtout connu dans des fanfares. Si je me souviens bien, That's It, Bébé, c'est Brass Band, c'est vous. Et les Fanfleurs, vous y étiez aussi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, par rapport à cette musique-là, New Orleans, on a connu ça avec l'expérience des Fanfleurs. Et après, on a voulu monter autre chose. Et That's It, Brass Band, bon, moi, je suis le coordinateur de cette fanfare-là. Mais je ne suis pas le directeur artistique. Enfin, c'est moi qui ai décidé de... Parce que c'est vrai que tous ces musiciens-là que je connais, j'ai envie de les côtoyer dans ce milieu-là. Parce que c'est un milieu facile, ça groove. C'est juste du bonheur cette musique-là, donc super. Après, avant cette musique-là, ben, j'ai dû faire à peu près 7-8 ans de musique métissée avec les musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Notamment, j'ai travaillé avec un griot qui s'appelle Zaki Diarra, qui a vraiment un talent monstrueux, avec une voix magnifique et une manière de jouer le goni. C'est comme une sorte de génie de son instrument, et vraiment, c'est merveilleux de travailler avec lui. Et on s'est tout de suite très bien entendu, on est resté très longtemps, mais bon, à un moment, on avait autre chose à faire. Avant cette période-là, je faisais du piano classique, j'ai toujours aimé interpréter. Bon, quand j'étais adolescent, je tombais amoureux de Beethoven pour cette sensibilité-là, puis après, j'ai découvert après le reste, Chopin, Rachmaninoff, qui m'a vraiment, vraiment très touché, et puis Debussy, bon, c'est très beau. Moi, c'est cette musique-là que j'aime, quoi, et je trouvais que toutes les autres musiques n'avaient pas de sens. Avant 23-25 ans à peu près. Et petit à petit, j'ai pu basculer et comprendre en effet que oui, le jazz ça existe et que c'est bien aussi, mais j'ai mis du temps. Mm-hmm. Et voilà, là j'ai monté ce trio-là parce que c'était l'heure en fait. Je savais qu'à un moment il allait avoir une heure et là c'était l'heure de le monter. Et j'ai eu beaucoup de chance sur le recrutement. Je connaissais Christian à la batterie, je l'avais rencontré lors d'expériences qu'on avait passées ensemble, dans du bal, variété. Mm-hmm. Mais bon, son, c'est tellement incroyable, et cette manière qu'il a de gérer l'interactivité, son côté romantique, un peu aussi rocker, j'ai besoin de lui, ouais. Et le clavier, c'est Eric Paulet là, qui me l'a présenté, un ami d'enfance. Et... Donc Eric Paulet, le tromboniste de Martine, un groupe dont on va parler dans deux minutes. C'est ça, et avec qui on s'est croisés d'abord, c'était où ? C'était au magasin de musique à l'Atelier des Vents, là, avec Alain. Et tout de suite, on a sympathisé, puis je l'ai rappelé pour la fanfare. Et on n'arrête pas de s'appeler l'un l'autre, franchement, on est devenus très amis. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir un trio qui est assez lyrique sur la forme et puis avec des moments très romantiques et très doux avec le saxoprano dont vous jouez dans cette formation, au moins sur le seul morceau qu'on connaît pour le moment de ce groupe, puisque le morceau que l'on vient d'écouter là avec toi est le premier et le seul morceau actuel de Brian Lapin. Brian Lapin, qu'on pourra voir la semaine prochaine au Taquin en première partie de Martine. Tout à fait. Mais on va y revenir aussi dans le courant de cette émission. Un jeune groupe, et même si vous avez l'expérience de la scène toulousaine depuis un moment, c'est facile de se lancer dans la création d'un groupe en ce moment à Toulouse. Il y a des endroits pour jouer. C'est facile de faire connaître sa musique. Je pense qu'il faut communiquer. Et que tout peut toujours arriver. Après, facile, je ne sais pas, moi, quand j'ai commencé la musique, je côtoyais des musiciens bien plus âgés que moi qui me disaient, avant, il y avait 20 fois plus de lieux. Et nous, quand on a commencé, on nous disait qu'avant, il y avait encore 20 fois plus de lieux. Donc, non, ça ne doit pas être si évident. Moi, je dirais, je ne mise pas sur Toulouse parce que c'est vrai que ce n'est pas assez, on va dire, quelque part. Moi, j'aimerais bien que ce projet fasse au moins une douzaine de concerts à l'année, qu'on puisse vraiment, même plus, parce que pour cette musique personnelle que j'ai envie de jouer. Mais du coup, je me dis, bon, déjà, dans le sud-ouest, il y a peut-être moyen d'arriver à ça. Mais à Toulouse, oui, en effet, il y a 3, 4, 5 lieux, grand maximum. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais que ce soit facile ou pas, ce n'était pas le sujet. Moi, c'est sorti parce que c'était le moment. C'est vrai qu'à chaque période de vie, on va dire ça aux élèves, quoi. Ayez des traumatismes et ça va vous faire progresser en musique. Mais là, pour moi, c'était le moment de plus, quoi, tu vois, et il fallait que ça sorte. Après, voilà. C'est le moment, mais il y a aussi des moments qui sont moins favorables à la diffusion d'un certain nombre de projets. Prenons Éric Paulet avec Martine. Éric Paulet, tromboniste émérite, qu'on retrouve justement dans That Seat aussi, qu'on a pu écouter, si je me souviens bien, avec El Gato Negro également à une époque. Ne dites pas non, je vous ai un film sur un concert que j'ai filmé et vous êtes sur scène en train de jouer du trombone. Et puis vous décidez de monter un groupe, Martine, avec une construction d'album très bien faite, avec une production plutôt léchée. Tout va bien, les premiers concerts sont annoncés. Et puis ça se passe en mars 2020. Et en mars 2020, si on se souvient bien, au milieu du mois, il y a eu un arrêt total de la vie. Et donc, il y a eu un arrêt total de la vie de Martine. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que Martine, c'est un projet musical, mais c'est aussi un projet, c'est un projet audiovisuel, en fait, avec de la vidéo, des courts-métrages en cours de production. Et par la suite, ce sera vraiment un concert avec de la vidéo. Donc un concept même. Un concept, bon, je pense que ça existe quand même aussi déjà. Mais oui, j'ai vraiment cette envie-là de développer le concert vidéo. Quoi. Ouais, l'image et le son. Ouais. Et donc Martine a réussi à survivre à cette quand même catastrophe industrielle. Vous êtes pas mal investi, et vous et les musiciens qui forment Martine sur cet enregistrement. Et le Covid vous a coupé les ailes et coupé les pattes. C'est ça, ça a un peu tout coupé, mais bon, nous on est en vie. Tant qu'on est en vie, Martine, ça va exister. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que 2 ans et demi plus tard, on vous retrouve là aussi la semaine prochaine, en même temps que Brian Lapin, au Taquin. Alors au Taquin, pour fêter quoi? Pour fêter ce répertoire? Pour fêter la sortie d'un album qui finalement n'est jamais sorti? Au Taquin pour... Et pour jouer votre musique? Ouais, pour jouer notre musique, pour fêter la vie, pour fêter le Taquin, pour fêter aussi ma rencontre avec Romu, quand même. C'est un honneur pour moi, vraiment, qu'il vienne avec son trio, sa première partie. Enfin, en première partie, c'est vraiment... c'était très important pour moi quand il m'a dit qu'il allait monter ce trio. Je savais que ça allait être lui en première partie pour Martine. Plutôt rare, les premières parties au Taquin. D'habitude, c'est un one shot, un groupe sur scène joue pendant 1h30 et puis basta. Ouais, mais après, moi j'aime bien quand même j'aime bien développer un univers dans une soirée et puis partager aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Et ça veut dire, par rapport à ça, que même si c'est pas vous qui composez la musique de Brian Lapin, vous vous y reconnaissez complètement? Complètement. Je me reconnais complètement en Romu. Romuald, pardon. Oui, voilà, Romuald. Ça fait assez zombie, quasiment. J'avais jamais entendu sa musique avant qu'il me parle de son projet de trio, mais je savais que ça allait coller à coup sûr, et c'est le cas. Ça va être vraiment une soirée lunaire avec ce beau mélange là qu'il va y avoir. D'où le magnifique personnage avec scaphandre spatial que vous arborez sur votre t-shirt actuellement et qui est une des images de Martine. C'est Martine. C'est Martine. Ouais. On ne la voit jamais, elle est cachée derrière son scaphandre. Ce groupe, donc, je le disais, a produit un album dont on va entendre sans doute plein de morceaux la semaine prochaine. Il y a un répertoire nouveau qui se constitue ou pas? Alors oui, déjà pour le concert, il y aura des nouveaux morceaux. Et après, le répertoire nouveau, il est déjà écrit. Il doit y en avoir une petite quinzaine qui sont écrites. C'est vous qui écrivez, c'est vous qui concevez les arrangements. Quel plaisir y a-t-il pour un musicien, en plus de jouer d'un instrument, de concevoir l'écriture et surtout les arrangements? Et on a l'impression, au vu de ce qu'on entend, où par exemple les voix sont très importantes dans Martine et se mêlent énormément à l'ensemble des cuivres qui constituent votre formation. Quel est l'intérêt pour vous des arrangements? On sent que vraiment vous êtes un amoureux de l'arrangement. Eh ben, en fait, à la base, Martine, j'ai monté ce projet comme un hommage à mes parents et notamment à mon père, qui écoutait vachement la musique des années 70, tout ce qui est jazz rock, rock prog, les soft machines, tout ça. Et j'ai vraiment, j'ai baigné là-dedans. J'ai commencé à m'y intéresser pas avant les 25 ans, peut-être même, si c'est ça, 25 ans, dans ces eaux-là. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre ce qui se passait dans cette musique-là. Et j'ai vraiment voulu lui rendre hommage. La base, ça vient vraiment de ça. J'ai commencé à écrire pour ça. Après, je me suis dit, tiens, je pourrais en faire un groupe. Et puis en fait, tout est venu de là. Et en fait, c'est un bonheur d'écrire, surtout pour cette équipe. Parce que j'ai vraiment choisi cette équipe par cœur, plus que par compétence, on va dire. Ils sont tous très très j'espère compétents. J'espère qu'ils n'écoutent pas, ils vont être contents. Non, ils sont tous très très compétents, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai vraiment une histoire personnelle avec chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que Sainte-Martine, c'est tout ça. C'est de l'émotion. Et après de la musique. Et vous venez de répondre un peu à la question que j'allais vous poser juste après. Je viens de comprendre pourquoi toute votre génération, dont vous avez quel âge? 35 ans, quelque chose comme ça? J'ai... Oui, compter dans la tête. Non, mais en plus, c'était la semaine dernière. 34. Donc, toute votre génération a pu se lancer dans l'écriture de morceaux de jazz progressif, qui est quand même la musique que j'écoutais quand j'avais 14-15 ans. Et c'était il y a un petit moment. Je me dis, comment ça se fait que... Mais plein de groupes, vous n'êtes pas le seul. Je citais Bol tout à l'heure. Ils sont aussi sur cette démarche-là. Host a fait aussi ça. Comment cette génération de musiciens a pu retomber dans cette musique-là? Et puis vous venez de le dire, c'est la musique de vos parents et c'est peut-être celle qui vous a bercé lorsque vous étiez vous-même adolescent. Oui, c'est ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était de la musique de jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on ne disait pas... Nous, on est jeunes. On ne disait pas jazz progressif, on disait rock progressif. Rock progressif, après, c'est un peu compliqué pour moi, les dénominations. Mais c'est de la musique... C'est plein de vie comme musique et c'est tellement vaste à explorer, c'est infini, c'est comme la musique, c'est infini en fait. Et bon, on va écouter tout de suite un extrait, on en reparle juste après. Martine, When in Goose, Martine donc au taquin avec Blanc Lapin vendredi prochain, on sort le combien? Le 2 non? C'est samedi 3. Samedi 3, c'est pas vendredi, c'est samedi 3. On aura le temps de le redire pour qu'il n'y ait pas de bug dans vos têtes. Martine, Wayne Goose. We'll be right back. Voilà, Martine Wenningus, je le répète et cette fois je ne me trompe pas, samedi 3 au Taquin, donc Martine, première partie, Blanc Lapin que nous avons écouté tout à l'heure. Et puis on en arrive à notre troisième invité de ce plateau spécial, musicien toulousain. Une question que je vais vous poser à tous les trois, et je vais commencer par la poser à Tristan. La scène toulousaine, c'est quoi? La scène toulousaine musicale, comment vous la définiriez? Surtout de votre côté, puisqu'il y a quand même une scène jazz et assimilée. Comment vous décririez cette scène musicale? Tristan, c'est à vous de vous lancer, et je vois que ça ne vous fait pas plaisir. J'adore cette question. Bah, en fait, moi je vis surtout... mais je ne vis plus à Toulouse. Alors... mais j'ai longtemps fait partie de cette scène toulousaine, et je pense que c'est encore le cas avec certains groupes qui sont ancrés à Toulouse. Mais oui, ce lien au jazz, il existe. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, je sors de la fac de jazz du Mirail, donc c'est comme ça que j'ai découvert la scène toulousaine, et donc mon rapport à la scène toulousaine est beaucoup articulé autour du jazz et aussi à l'opposition au jazz. Mais il y a ça qui existe, mais je pense que ça résume vraiment pas tout. Enfin, je pense qu'elle est très très diverse aussi, cette scène, quoi. Il y a beaucoup de musique électronique, beaucoup de chansons, beaucoup de musique du monde, de musique, ouais, de partout, que ce soit sud-américaine, ouais. Brésilienne, ouais. Flamenco, c'est quand même une grosse partie de la scène aussi toulousaine. Romuald? Ah oui, complètement, hein. La scène toulousaine, c'est vraiment aussi la musique du monde, le jazz. C'est aussi Toulouse, c'est un peu le rempart, c'est la pièce centrale du Sud-Ouest, donc c'est pas rien, on est à côté de l'Espagne, il y a les Marocains qui viennent, les Africains, voilà, nous on se nourrit de toutes ces rencontres-là, et la scène toulousaine est vraiment magnifique, plus qu'est-ce que quelques Toulousains du cru qui donnent vraiment, qui font vivre ça. Quelque chose à rajouter, Eric? Bah, moi je dirais qu'il y a ça bouillonne à Toulouse, et il y a malheureusement plus du tout assez de lieux comparé à la grandeur de la scène toulousaine, en fait, au nombre de projets, d'idées, d'innovations, de tout ce qu'on veut, en fait. Donc oui, c'est une grosse scène, c'est une super scène, en fait. Et alors, ce qui est drôle, et ce qui est assez remarquable sur cette frange qu'on appelle scène jazz, depuis une quinzaine d'années, on voit apparaître des musiciens qui, professionnellement, se sont tous formés. Vous le disiez il y a deux secondes, Tristan, la fac du Mirail, avec sa section musicologie, a fait beaucoup pour la formation des musiciens de jazz toulousains, mais il y a aussi le conservatoire qui s'est mis au diapason. Il y a eu Musical, qui est quand même le troisième pilier de cet apprentissage et de cette professionnalisation des musiciens de jazz à Toulouse, qui n'est pas faite, par exemple, sur la scène rock. La scène rock est très peu professionnalisée, contrairement à la scène jazz. Et c'est vrai que tous ces musiciens qui viennent de ces trois institutions, il y a plein de jeunes d'ailleurs qui en ont fréquenté deux sur les trois, se sont mis, après avoir intégré, j'allais dire, les règles du jazz, à essayer de tout déconstruire et d'aller voir ailleurs des moyens de faire respirer cette musique. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on voit une explosion de groupes qui effectivement sont des musiciens de formation jazz, mais qui n'ont plus rien à voir avec le jazz tel qu'on pouvait l'écouter au Blanchet ou au Mandala il y a encore 20-25 ans. Vous êtes loin du bebop, quoi. Tout à fait. Tristan, oui. Allez. Bah, ouais, enfin, ouais. Oui, ce qui est le cas du baron de 2016. Oui. Effectivement, des musiciens qu'on voit dans d'autres formations, d'ailleurs, je pense notamment à Ellie, qu'on peut voir dans Fibre, par exemple. Mais effectivement, quand on parle du baron de 2016, on ne parle pas de jazz. On peut parler de matrock, et vous me direz comment vous définissez cette musique. On peut parler de plein de musique, mais pas forcément de jazz. Non, pas forcément. Et bien dans le micro. Après, salut. Mais c'est très bien comme ça. Effectivement, en fait, le Baron de Vincennes, c'est un groupe qui est formé par les trois personnes que nous sommes, qui On s'est rencontrés à la fac de jazz. Donc on a ça dans notre formation. Et comme ce que tu disais par rapport à la scène toulousaine, on a rapidement voulu faire autre chose. En fait, dès le début, on a voulu faire autre chose que du jazz. Et c'est ça qui a fait notre identité. Mais on a quand même ces racines-là. Enfin, par exemple, Ellie, le batteur, a une réflexion sur son jeu de batterie qui se rapproche beaucoup du jazz. Et ça joue beaucoup dans notre son. Mais lui, ça va pas forcément être sa musique de prédilection. Enfin, il a beaucoup de formation, il peut jouer de tout. Oui, on le trouve aussi. Il y a Fibre, je me souviens plus, l'autre. Fenwick aussi. Voilà, Fenwick, c'est ça. C'est mignon. Ouais, mignon. Joli nom, en F. Ouais, ouais. Et voilà, ouais, nous, on s'est rapidement identifié du mat rock. Parce que... Bon, pour nos auditeurs les plus anciens, le matrock, c'est quoi ? Ah, bah le matrock, c'est ancien aussi. Hein. Enfin, le matrock, c'est une musique qui se caractérise par, à la base, un peu... Enfin, le côté matrock, c'est maths pour les mathématiques, pas, pour le, pas en opposition à la brillance, quoi. Enfin, les maths, quoi. Et ça désigne l'utilisation de mesures... impair, asymétrique ou une idée de construction du rythme qui va pas forcément être binaire comme souvent dans la culture occidentale. C'est un peu le penchant asymétrique de la culture occidentale. Voilà. Donc ce qu'on appelait le post-rock dans les années 90. Le post-rock, ça fait partie. Enfin, c'est un des dérivés de ces courants-là. Mais pas. Ça va être plus caractérisé. Mélancolique, quoi, le post-rock. Mais le mat-rock, ça vient aussi du rock progressif, beaucoup. Enfin, genre, c'est des influences qui existent beaucoup. Nous, c'est des influences qu'on a, parce que c'est des choses qui se faisaient. Mais du coup, c'est né plutôt dans les années 90, pour ce que j'en sais. Et avec un côté très instrumental. Oui. Oui, après, il peut y avoir du chant. En ce qui nous concerne, ça reste instrumental. Et c'est ça qu'on a envie de faire. On a envie de jouer des riffs bizarres, peu importe comment ils sont construits. Et on pense que ça se passe de tout ça peut se passer de texte. Et avec une autre caractéristique, c'est jouer très très fort. Oui, ça aussi, ça c'était. En fait, c'est pas forcément, ça se joue pas forcément fort. Le style a pas mal évolué, même à ses débuts, c'est pas forcément le rock metal comme on peut l'imaginer, mais c'est beaucoup de guitares clean, des sons, ça peut sonner très gentil. Parfois, après, ça se joue quand même sur des gros amplis de préférence, mais nous, c'est ce qu'on fait. Mais après, ça, oui, ça... et ça aussi, je confirme. Ça ne nous empêche pas d'avoir tout un panel de nuances. La cave à rock, le dernier endroit où je crois vous avoir vu, je me demandais si les murs allaient pouvoir tenir la totalité du concert. D'ailleurs, ils ont fermé peu de temps après. Et oui, c'est vrai que ça s'est effondré deux jours après. Résonance, ouais. Dommage. Mais. Mais. Donc, oui, bon, c'est vrai qu'on joue fort. Le Baron de Vincennes, qu'on a pu connaître il y a 3-4 ans avec un album qui s'appelait Pectine et Gros Tonus, c'est ça, hein ? Tout à fait. On l'a revu cet automne dernier avec l'apparition d'un nouvel album construit autour de la poésie de Charles Baudelaire. On a été quelques-uns à s'en étonner. Et oui, étonnant, n'est-ce pas ? Comment est né ce projet-là ? Ah ben ça c'était tout simplement, c'est venu d'une demande de la CAF Poésie, de Yann... Valade. Yann Valade, c'est vrai qu'on dit les noms de famille à la radio. Eh ben ouais, ça se fait, ouais. Ici Tristan Lugimbule. Ouais, bien, vous le dites nettement mieux que moi. Ouais, j'ai bossé. Mais oui, c'était une demande pour célébrer le bicentenaire de la mort de Charles Baudelaire. Voilà, pourquoi pas, nous on était partant, nous on aime les défis avec ce groupe et on a beau ne jamais avoir travaillé avec du texte, ça nous a chauffé quoi, on n'y connaît pas grand chose en poésie, notamment en Charles Baudelaire, ça nous a demandé beaucoup de travail. Et comment les habille ces textes ? Il y a des poèmes mais il y a aussi des textes qu'il a pu écrire sur les drogues, sur les effets que ça fait, oui. Comment les habille ces textes-là ? Eh bien, en musique... Oui, c'est tout à fait. Ouais. Non, nous, on a fait un travail de recherche autour de ces textes, oui, on est allé voir un peu les paradis artificiels, tout ça. Donc c'est des textes qui nous touchaient, où on pouvait se retrouver. Et on est allé voir dans ses correspondances aussi. On a essayé de chercher un peu de tout, voilà, parce que y a plein de sa poésie qu'on connaît, que on a repris aussi des grands classiques, le Spleen. Voilà, parce que c'est pas mal quand même, c'est oui. sympa. mais voilà, nous on a essayé de jouer avec nos codes, quoi, autour de sa musique, c'est-à-dire que ça peut se retrouver dans la construction des morceaux. Ce serait long d'en parler, mais on a utilisé plein de modes de jeu. Enfin, par exemple, on s'est servi de la un peu cette déconstruction de la binarisation de la musique pour illustrer quelqu'un qui a un trip sous opium ou sous shit, puisque il y a un texte qui célèbre l'absorption du hashish, comme on disait à l'époque. Album donc qui est sorti à l'automne dernier, j'ai cru comprendre que vous étiez en train de vous préparer à enregistrer le prochain du Baron de 26. Ouais, alors on l'a enregistré et il va sortir on espère à la rentrée, assez bientôt, dans quelques mois. Formidable. J'étais d'ailleurs tout à l'heure avec Arthur Hauer, ah oui, qui est son nom de famille, qui te passe le bonjour pour démarrer la phase de mixage de cet album. Oui. Eh bien, très bien, ça, on va attendre ça avec impatience. Donc trois groupes toulousains. Sur les trois, il y en a deux que vous pouvez voir assez rapidement. C'est donc samedi prochain au Taquin. Brian Lapin et Martine au Taquin le 3 juin. Donc c'est la semaine prochaine. Quant au Baron, C'est super, parce que le lendemain de ce concert au Taquin, donc le 4, le dimanche, on joue avec le Baron de 26 aux Connexions. Waouh. En première partie de Paranoid Void, un groupe qui nous vient du Japon. Trois musiciennes japonaises de math rock, du coup plus traditionnelles que nous. Et ça va être super, venez les soutenir aussi, parce que c'est trois femmes qui représentent le rock sur la scène rock. Et ça va se jouer à quelle heure aux Connexions? Dans la soirée. Dans la soirée. D'accord. Après tout, il y a Internet, on ira vérifier. Voilà. N'hésitez pas à cliquer, le lien s'affiche en bas de la... Parce qu'effectivement, un concert aux Connexions un dimanche, c'est un peu rare, mais comme le Connexion, lui aussi, a décidé de se vendre au chantre de la cuisine espagnole, et ne sera plus qu'un bar à tapas à partir d'octobre prochain, ils doivent avoir plein de dates à trouver pour les groupes qui étaient prévus pour la période novembre-décembre. Donc peut-être ils bouchent les trous là en ce moment. Mais c'est vrai qu'un concert un dimanche aux Connexions, c'est assez rare. Ouais. Ça sera un bon moyen de finir le dimanche. Baron de 26, on va vous écouter tout de suite. Okay. Oui. On joue également à Tarbes, au Celtic Pub, demain soir. Ouais. Pour les personnes qui vivent à Tarbes. Voilà, oui. Bon, nous écoutez depuis Tarbes. On va pas prendre l'avion pour aller vous voir quand même. On va faire un petit trajet intramuros là. Très bien, allez, le Baron de 26, on écoute tout de suite. Et bien, le morceau dont nous parlait tout à l'heure Tristan, Spleen. Ciel bas et lourd, pesé comme un couvercle, couvercle, couvercle, un couvercle. We'll be right back. une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers, qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. J'ai le spleen. La grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Voilà, c'était donc le Baron de Vincennes avec ce morceau Spleen tiré de leur dernier album Les Fleurs du Gros Son, c'est ça, hein, une version améliorée des Fleurs du Mal. Voilà, donc le Baron de Vincennes, je le redis, Tristan nous l'a annoncé tout à l'heure, ils seront donc aux Connexions dimanche prochain aux alentours de 19h. On ira voir ça avec intérêt. Nos autres invités du soir, Éric Paulet de Martine et puis Romuald Leroy du Blanc Lapin seront eux au Taquin samedi, comme quoi les choses sont bien faites, samedi au Taquin à partir de 21h. Merci à vous trois d'être passés dans ce studio. Merci pour l'accueil. Pour vous raconter, et puis on viendra vous soutenir sur scène. À très bientôt. À bientôt. On va parler maintenant, pour clôturer cette rubrique des concerts, d'un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, avec la deuxième du festival Radiophonie, organisé par Campus FM au Centre Culturel Bellegarde, un festival sous-titré Festival de Création Sonore et Radiophonique. Avec moi, Athéna Bonnefous, pour nous parler de cette deuxième édition. C'est quoi exactement ce festival monté par Campus FM ? Plusieurs propositions, donc notamment des séances d'écoute, des expériences sonores, mais aussi des plateaux radio tout au long du week-end et le soir des DJ sets. Voilà, vous pouvez retrouver toute la programmation sur campusfm.net. En quoi est-il représentatif de la ligne un peu de la radio, ce festival ? C'est une vitrine de la radio ou c'est autre chose ? C'est un festival dédié à la radio et la création sonore qui interroge les liens qu'il peut y avoir entre la création sonore, la radio, et qui propose des écoutes prises comme des séances, comme on irait au cinéma, qu'on écouterait du début à la fin. Et la radio est présente sur tout le festival avec des plateaux radio tout au long du week-end. Et aussi une proposition de DJ set par Campus FM le vendredi et le samedi soir. Et les DJ qui sont une partie importante de la programmation, voilà, sur ces zones de campusiennes. Bon, ben, Athéna Bonnefous, merci de ce petit passage dans Caramel Mou pour nous présenter dans cette deuxième édition du festival Radiophonie, dont je le rappelle, qui aura lieu vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin au Centre Culturel Bellegarde. Merci. Voilà, c'était un tout petit bout d'interview autour de ce festival radiophonique, de ce festival autour de la création radiophonique que Campus organise le week-end prochain. Et puisque on parle d'événements, de concerts, de festivals, on va parler un peu des concerts de ce soir avec une rubrique qui a été concoctée avec la complicité du Distorama, l'agenda concert papier et internet des bas-fonds toulousains. Et donc les concerts, les concerts du soir, ça commence ce soir au Ravelin, soirée punkcore. Maintenant on dit crust. J'ai appris ce nom dans l'après-midi. Je m'endormirai nettement moins bête. Donc soirée punkcore ce soir au Ravelin avec Open Veins, un groupe qui nous vient de Seattle. Et puis en première partie, il y aura Defect, un groupe donc punk de Lavore. Les concerts, ça continue aux Ogresses ce soir, ce bar de l'avenue de Muret avec Jogging Duo à 20h30 entre slam et rock lofi. À la Candela, soirée musico-théâtrale avec deux spectacles. Ça commencera avec Flagrant Déni, trois paroles de femmes sur fond de tube italien sirupeux, suivi d'Amour et d'Amitié sous-titré, spectacle sur Céline, sans Céline, spectacle clownesque et musical. Et on parle évidemment de Céline Dion, bien sûr. À partir de 20h30, dans ces deux spectacles à la Candela. Au Taquin ce soir, le trio du guitariste toulousain Cyril Bernard invite le trompettiste William Lodina et le saxophoniste Mathis Polak. On nous annonce de nouvelles compositions. On ira écouter ça ce soir avec intérêt. À la CAFPO, spectacle comico-dystopique avec Ça nous pangonnait, première partie. C'est un seul en scène de et avec Jean-Marc Tuillier, dont le point de départ est la disparition du continent australien et de ses conséquences à partir de 21h à la CAF Poésie. Au Dragon, au Georges et Dragon, on pourra écouter Meshim équipe B, fine équipe autour du guitariste Tim Sussin et du bassiste Philippe Waterballs pour un mix qui risque de tourner pas mal autour du blues et du funk. Ce soir, dans un endroit que personnellement j'aime bien, le Labo des Arts, ça se trouve 10 rue Clément à Toulouse, pas très loin de l'avenue de la Gloire. On pourrait écouter la pop plutôt bien fichue de Gabriel Naïm Amor, un artiste américain. Donc ce soir au Labo des Arts à partir de 20h30. Aux Connexions, toujours ce soir, avant le week-end des curiosités de la semaine prochaine au Bikini, il y a un tour de chauffe qui est organisé aux Connexions avec quatre artistes émergents aux univers mêlant pop, rock, hip-hop, électro, avec Arthur Ellie, Dion Steers et puis Renan Tordu. Ça commence à 19h30. Vous avez juste le temps de vous y précipiter. Un pavé dans le jazz investit de son côté le théâtre du Hangar pour une nouvelle soirée dédiée aux musiques improvisées, avec ce soir le joueur de vielle Romain Baudouin, une violoniste et le percussionniste Laurent Paris, donc au théâtre du Hangar à partir de 20h30. Et puis ce soir à 20h30 à l'impro, Etenech Choissier, chanteuse éthiopienne, accompagnée de Mathieu Sourisseau à la basse acoustique et de Sébastien Basquias à la contrebasse. Nouveau répertoire là aussi, en attendant un nouvel album qui est prévu pour l'automne prochain. Etenech Choissier, dont on écoute tout de suite Dera et qui est donc ce soir à 20h30 à l'impro. Ara marre marre darana wagaru tim talnya naso warka no sanaru ara marre marre darana lutawa yasatany mashta na madani tello umbo who it? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme, oui, la chienlit, non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Personne n'a craqué. Et là, je vous demande de vous arrêter. Et voilà, Karim El Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, John Little reprend le contrôle de la station pour un nouveau et génial et incredible Little by Little Wicked Show. Demain, sur ces ondes campusiennes, à 22h, n'oubliez pas un nouveau rendez-vous avec la liste. Et celle de demain soir sera concoctée par François Petit, le guitariste, leader et compositeur de Samara Balouf. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et on parlera de la scène bluegrass toulousaine qui reprend du service. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Allez, on se quitte avec un extrait de Words Silence, le nouvel album du groupe toulousain Cathédrale, qui joue demain soir à partir de 20h aux Connexions Live. Salut les filles, Cathédrale, Choualo. Décidément, il est temps que l'émission s'arrête. Alors, je ne sais pas si c'est la consommation de l'apéro d'aujourd'hui ou quoi. À boire avec modération, effectivement, il faut toujours le dire. C'est pas au Rex, c'est le concert de... c'est au Rex demain soir, le concert de Cathédrale. C'est pas du tout aux Connexions, c'est au Rex à partir de 20h. Donc, aux Connexions, demain soir, Cathédrale. C'est pas vrai. Au Rex, demain soir, Cathédrale. Et on écoute tout de suite ce Swallow. Je vous dis au revoir et je vais me coucher. Salut les filles. Campus FM, pour prendre la suite de Caramel Mou, le Little by Little de, avec John Little. Et il n'est pas tout à fait 19h30, c'est le Little by Little Weekend Show qui commence. Avec un morceau de Japan.